Cours numéro 5. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وصلنا إلى الأصل الرابع on arrive au quatrième fondement ولله الحمد de cette رسالة أصول الدعوة السلفية للعلامة الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمة الله عليه. Le dernier cours, on a étudié ensemble l'asl al-thalith. Ma hu? Tfaddal. Al-da'watu ila Allah ta'ala ala basira. Ma al-dalil? Ahsant wa tawasaw bil-haq. Ça, c'est un dalil ala al-da'wa. Il se recommande al-haq. كل واحد يغطي لصن فخير فهذا نوع من الدعوة زيد أحسن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على بصيرة أي على علم فالسني يدن دو لامبورتانس الدعوة لكن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على علم. Il ne dépasse pas les limites في هذا الباب comme on a expliqué. الدعوة c'est une عبادة عظيمة. Elle doit être fondée sur l'ikhlas ou sur l'ittiba. Et من الاتباع c'est d'appeler au tawhid أولا. كذلك appeler à سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. Tout ça بعلم. Et كذلك من الاتباع في الدعوة c'est de commencer par ses proches. وهذا كذلك ne pas faire الدعوة pour son nefs. Et si الداعي il a beaucoup de suiveurs, il est مرتاح et il fait الدعوة et s'il a moins de suiveurs il arrête عيادا بالله. Là الدعوة c'est إلى الله عز وجل. Et شيخ عبد السلام رحمة الله عليه il a détaillé شيئا ما. Et il a cité une mas'ala muhimma wa hiya anna wasa'il ad-da'wa tawqifiyya. Et n'am, li anna hasu une ibada. Et il a cité des exemples. On nabbah huna anna al-ba'd wa rubbama qad yaqul anna tout ce qui est l'impression des livres l'an ou les micros ou les ordinateurs. Tout ça, on utilise pour faire da'wah et ce n'était pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rabbama yaltabis ala al-ba'd et ne comprennent pas al-mas'ala. Ils disent, pourquoi vous interdisez al-tamthil ou al-taswir ou tout ce qu'on a cité que ba'du ahl al-bida' ils font qu'al-ikhwan et des mises en scène, ils font des sorties, il a akhiré, c'est basé sur l'ikhtilat, la mixité pour faire da'wah. Et il dit c'est pour faire da'wah. Cheikh Abdel Salam, il a répliqué à cette shubha dans cette risala et il a cité ce point. Anna, si tu prends l'exemple des micros, mathalan, awulan, ça ne contredit pas une sunna et ce n'est pas fondé sur un haram, contrairement à la mixité. Faire da'wah dans un endroit mixte et prétendre que c'est minwasa et le da'wah c'est pour rassembler les gens, c'est pour leur montrer. Fahada, falhaqira, on peut leur montrer sans la mixité. Les hommes ils montrent aux hommes, les femmes elles montrent aux femmes, et si un homme il montre aux femmes, c'est derrière un hijab, il a akhirik, comme il faisait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est incomparable. Amma le micro, falhaqira, c'est fait faqat pour propager le son. Il n'y a aucun mani'. Et il y a un asl, fait sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahu marra alayhi sallatu sallam, quand il était malade, et il avait du mal à élever la voix, fa Abu Bakr radiyallahu anhu, il élevait la voix bit-takbir derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait Allahu Akbar, il avait du mal à élever la voix, et Abu Bakr derrière lui, il élevait la voix pour que tout le monde entende. C'est un asl, ça nous montre que si on a une ala, il y a un objet, un moyen, pour propager le son, fait la main. Mais vous, les livres, كذلك. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas ce genre de livres. L'imprimerie, ça n'existait pas. Il a akhiré. Alhamdulillah, nous, on s'en sert pour faire da'wah. Imprimer, propager. C'est un asl, fi sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils écrivaient des ayats ou des hadiths. c'était sur, sur des cailloux ou sur la peau de certaines bêtes. Et alhamdoulilah, ils écrivaient. Lakin, arrivé à une époque, ça s'est propagé akthar. Et ils ont inventé tout ce qui est l'imprimerie. L'akhrif, alhamdoulilah, ça contredit en rien. Amma, at-taswir matalan, prendre des images, prendre des photos pour da'wah, alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit dhalik. Awwalan, on a des adillah qui montrent que c'est interdit. Qala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kullu musawwirin fi an-nar. Fa comment faire da'wah avec une chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdite? Thaniyan, on peut se passer des images. Ce qui nous intéresse, nahnu, c'est le son. Matalan, al-an, nahnu, on fait un dars, walillahi alhamd, ma'a ba'd al-ikhwan qui nous écoutent. Enfin, ils n'ont pas besoin de nous voir. Yastafidun, l'essentiel, c'est qu'ils écoutent. Ils prennent des notes. Et s'ils n'ont pas compris quelque chose, ils demandent. Ou on a ta'awun. Donc, à taswir, il y a un délil, plusieurs adillah qui montrent que c'est haram et on peut s'en passer. Enfin, alhamdulillah. Ah, vous avez bien vu la différence. Wasa'il al-da'wa, c'est tawqifi. Amma, ces points qu'on a cités, il y a un asl fi sunnah. Et alhamdulillah, ça ne contredit pas des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Raji' Risalat Cheikh Abdus Salam, il a détaillé akthar. Qala rahmatullah alayh, al-asl al-rabi' al-ihtimam bi'aqidati as-salaf 'ilman wa 'amalan wa ta'lima. Hadha asl 'azim, on en a parlé qalilan dans notre dars fi tafsir sourate al-Fatiha. وإن مما يؤسف له أننا أصبحنا نسمع في هذه الآونة الأخيرة كلاما ينابذ العقيدة ويبعدها عن ساحات الاهتمام فمن الجماعات من يعتبر مسائل العقيدة مسائل جزئيات لا يعتنى بها بل ومنهم من يقول ما الذي يضيرنا إن أثبتنا لله يدا أو لم نثبت بعض الجماعات إذن أكن importance à ce أصل فلهذا السني السلفي doit donner beaucoup d'importance à ce point. الاهتمام, donner de l'importance, donner du temps, que ça soit dans l'apprentissage ou dans le da'wah, à cette عقيدة, عقيدة السلف التوحيد. أما بعض الجماعات comme il a cité, donne aucune importance. بل يحاربون دعاة التوحيد حتى بعضهم قال ما الذي يضيرنا. Et ça dérange en quoi si on dit qu'Allah Azza wa Jalla il a une main, amla, ayyadan billah. Ça dérange annahu, c'est un takdhib li qawlillahi Azza wa Jalla, bal yadahu mabsutatan. Pourquoi la nuthbit ma athbatahu Allah li nafsihi? Pourquoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Amma haoula, onzur, il n'y a aucun mal si tu dis Allah il a une main, amla. Haoula, ils sont à la mabda al-ikhwan. Hey, on s'entraide dans ce qu'on est d'accord et ce qu'on n'est pas d'accord. Tu ne me reproches pas, je ne te reproche pas. Tu ne me reprends pas, je ne te reprends pas. Tu dis qu'Allah il a une main, c'est ta aqidah. Je dis qu'Allah il n'a pas de main, c'est ma aqidah, iyadam billah. Kullu wahad, il est libre, chacun croit ce qu'il veut, c'est grave. Mais on doit faire attention à hada. Aqidah tout tawhid, c'est la première chose. On commence par les enfants. Et dès leur plus jeune âge, leur faire apprendre des masaïls très simples. Qala wa hadhihi min al-masa'ib wa at-tammat wa min al-ma'lum 'inda al-jami' ma li'aqidati at-tawhid min manzilatin kubra fi ash-shar'. Celui qui connaît al-kitab wa as-sunnah, celui qui connaît sirat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui connaît sirat as-salaf, as-sahaba radiyallahu anhum wa man ja'a ba'dahum, il comprendra l'importance de cette aqida et du tawhid. أما واحد يقلد الكفرة واحد يسمينج avec أهل البدع والشر et هؤلاء nuit et jour ils parlent de la politique أن فلان va faire et ils ont fait des choses qui n'ont rien à voir avec دعوة الأنبياء والرسل فلا شك il donnera plus d'importance il comprendra pas l'importance. أما celui qui étudie le Coran et le Sunna il saura أن la première chose c'est هذا. Et الشيخ عبد السلام رحمة الله عليه il va citer quelques preuves. نقرأ قال فالخلق بأجمعه إنما خلق لغاية عظمى ألا وهي عبودية الله تعالى كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أولا الله سبحانه وتعالى nous a créé pour هذا. Donc on doit donner de l'importance à هذا, à ce point. أما s'occuper des choses qui ne te regardent pas, Akhil Karim, c'est pas من حسن الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه أنت سكي تبخيوكب et tu dois faire des efforts c'est tu dois réaliser tu dois appliquer le pourquoi t'as été créé Allah t'a créé pourquoi pour l'ibada fait tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala على علم l'ibada n'est pas acceptée que si elle est fondée sur التوحيد قال والله سبحانه وتعالى لم يرسل الرسل ولم ينزل الكتب إلا لأجل تحقيق التوحيد ودعوة الناس إليه كما قال الله عز وجل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وكما قال في قوله عز سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون تأملوا هذه الآية الله سبحانه وتعالى il a envoyé les messagers que pour une chose أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذه الشهادة العظيمة on doit donner de l'importance à هذا لماذا لأن الله سبحانه وتعالى nous montre في القرآن الكريم que c'est la chose la plus importante وكما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت chaque أمة على reçu un messager et ce messager les a appelés au tawhid وعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت donc الداعي إلى الله il doit faire des efforts في هذا surtout qu'à notre époque كما لا يخفى il y a un manque كم من الناس الآن يعبدون القبور dans les pays musulmans on parle On parle même pas bien de kufr. C'est une moussiba. Kathir min al-nas ta'atharu bi da'wat al-soufiya ou bi da'wat al-rawafid annahum ils adorent les tombes, ils adorent l'awliya. Bardoum ils ont une aqida anna tel mort il peut faire telle chose. Bardoum ils ont une aqida anna égorgé pour un djinn yajouz. Iyadam billah. Le problème il vient d'où? Anna y'a un manque fi al-da'wa ila al-tawhid. C'est normal. Al-jama'a tadhalla al-munharifa yaqouloun anna al-tawhid c'est pas important. بعضهم يقول التوحيد tu l'apprends 10 minutes 10 دقائق عيادا بالله 10 minutes ça suffit لماذا لأنهم أصلا eux ils mélangent entre توحيد الربوبية والألوهية بعضهم يقولون أنه y a plus de shirk y a plus de shirk pourquoi appeler le توحيد alors qu'il y a un grand manque في الأم لكن tout ça c'est fondé sur le جهل et le هوى أما السني c'est pour ça que الشيخ عبد السلام رحمة الله عليه Il a cité ce fondement, le quatrième, As-Sunni donne de l'importance à هذا. Sa da'wa est fondée sur هذا. Si c'est un khatib, il fait khutbat al-jumu'ah, il donne beaucoup de temps et beaucoup de ses khutab, ça sera sur al-tawhid et mise en garde contre le shirk. S'il donne des doros, beaucoup de ses doros, beaucoup de ses cours, ça sera sur des livres de al-tawhid et mise en garde contre le shirk. Kadhalik, apprentissage de l'aqidah et mise en garde contre al-mu'attilah. الممثلة المحرفة كذلك si c'est pas un imam c'est pas un khatib c'est pas un mudarris لكن الحمد لله il a une famille فإن les appelle à هذا si sa famille c'est pas des muslimines c'est des kafara فإن les appelle il leur montre أنهم ils ont été créés pour هذا التوحيد il leur montre بالتي هي أحسن et il y aura du خير خير عظيم تأمل دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه Mohamed ibn Abd al-Wahhab, rahmatullah alayhi, c'est un sunni, al-jadda. Et il a appelé son qawm à ce tawhid, et alhamdulillah, nous on en profite. Jusqu'à aujourd'hui, on en profite, walillahi alhamd. Avec ses livres, avec ses rasa'il, avec les élèves qu'il a laissés. Ses élèves, ils ont laissé d'autres élèves, il a akhiré, et sa da'u, walillahi alhamd, nafa'at falihada, al-kafara, il la combat jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'ils appellent al-Wahhabiyya. Et regardez le khayr qu'il y a. الآن في المملكة العربية السعودية بإذن الله عز وجل ثم بسبب دعوة هذا الإمام أمن وأمان وخيرات وعلم والتوحيد الشرك سأنتغدي الحمد لله يكمبت الخرافات يكمبت السحر لماذا؟ لأن البلاد لا يتفندي سور التوحيد نعمة عظيمة قال رحمة الله عليه وأول أمر في القرآن الكريم قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون premier ordre dans le Coran, Sourate Al-Baqarah, le verset 21. Le premier ordre, awwal amr, dans le Coran al-Karim, amrun bil ibad. Ça te montre que c'est la chose la plus importante. Avant de faire salat, de faire siyam, de faire le hajj, on doit haqqaq at-tawhid, parce que toutes ces ibadat sont fondées sur ça. Amma salat al-mushrik, elle n'est pas acceptée. Hajj al-mushrik, il n'est pas accepté. Même s'il le fait plusieurs fois. Non. Même si l'argent il est halal. Même s'il veut du bien. Si c'est un mushrik, l'ibada n'est pas acceptée. Qala azza wa jalla, in ashrakta la yahbatanna amaluk. Fa awwal amr, le premier ordre dans le Coran al-Karim, at-tawhid. Qala wa awwal ma تستفتح به الرسل دعوة قومهم قولهم كما حكى الله عز وجل عنهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. C'est pour ça que le sunni donne de l'importance à cette da'wa. لأن c'est da'wa de الرسل. جميع الرسل, la première chose qu'il disait à leur قوم, يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Vous n'avez pas d'autre إله. Et personne ne mérite d'être adoré. Ni un mort, ni une tombe, ni une statue. Ni un ange, ni un rasoul, ni un salih, ni un pieux. L'ibada, c'est un haqq lillah. Et l'umma l'an, elle a besoin de ça. Comme les gens yusrifouna ba'd l'ibadat, ila illallah. Min dhabh, ou ruku', ou sujoud, ou tawaf, ou du'a. Pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha li'anna hadhi d'a'wa dha'ufat. Illa wallahi alhamd, dans certains endroits. Wa illa fil haqiqa, il y a un dha'af. Et nous, en tant qu'Ahle Sunnah, on doit bien comprendre que le but, c'est ça. La base, c'est ça, c'est le tawhid. Tous les efforts qu'on fait, que ce soit fait le hifd, que ce soit en langue arabe, que ce soit fait talab al-ilm, que ce soit fait le rihla, que ce soit se déplacer pour apprendre, c'est pour ça, le tawhid. C'est haqq Allah, Azza wa Jalla, l'a'zam. C'est la première chose. قال والنبي صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة يدعو إلى الله. 23 ans النبي صلى الله عليه وسلم il a fait da'wa. Il a reçu la révélation à 40 ans. Il est mort à 63 ans عليه الصلاة والسلام. 23 ans. قال منها 13 سنة في مكة. 13 ans à مكة. 10 سنين منها يقرر التوحيد ويدعو إليه ويحارب الشرك ويحذر منه. وباقي حياته صلى الله عليه وسلم في التثبيت عقيدة التوحيد وترسيخها. Bien comprendre أن النبي صلى الله عليه وسلم il a fait دعوة مكة bien sûr توحيد كذلك المدينة. Et il y a eu des autres احكام après. لكن les 23 années c'était في التوحيد. Et bien sûr avec le temps il y a eu des autres احكام. قال وفي بيان الأحكام الشرعية كل هذا يدل دلالة واضحة على الاهتمام بأمور العقيدة تعلما وتعليما وعملا ودعوة. Que ça soit التعلم, quand tu apprends, la première chose que tu apprends c'est le tawhid. Même si أخي الكريم tu apprends la langue arabe, même si tu apprends le Coran, même si tu apprends à faire salat, apprends en parallèle le tawhid. Belle la base c'est le tawhid. Donc les autres choses c'est à côté pour t'aider à comprendre هذا التوحيد. هذا c'est مهم. لأن tu seras interrogé عن هذا التوحيد. من ربك وما دينك ومن نبيك توحيد. هذا c'est ça l'essentiel. قال وذلك لأن العقيدة إذا سلمت من الشوائب فصاحبها من أهل الجنة لا محالة. النعمة عظيمة لكن كثير من الناس sont في غفلة. Celui qui meurt à la tawhid, il est min ahli al-jannah. Donc c'est la première chose. Si tu veux le jannah, on peut se poser la question, je veux rentrer fil jannah, comment faire à tawhid? Haqqaq al-tawhid, inshallah tu seras min ahli al-jannah, même si tu as des faiblesses et tu as fait certains péchés. Tu as fait certains péchés. Qala walaw kana murtakiban lil kaba'ir, même si l'insan il fait des grands péchés, lakin c'est un mouhid, فإلى من أهل الجنة. Ne pas comprendre من هذا الكلام أن الإنسان il fait pas attention et les grands péchés c'est pas grave. Là, Shahab Salami, il sait très bien que c'est très grave. Lakin il te montre l'importance du tawhid. Et celui qui travaille son tawhid, il fait des efforts, كذلك il s'écartera des grands péchés. بإذن الله عز وجل. لأن il connaîtra Allah سبحانه وتعالى avec ses noms et ses attributs et il détestera les péchés avec son cœur. قال فإن أصحاب الكبائر إلى الله إن شاء الله تعالى عذبهم ثم أدخلهم الجنة بتوحيدهم وقبل ذلك بفضله وكرمه سبحانه إن شاء الله عز وجل عفى عنهم فهم وأيم الله النجاة والعصمة فهي وأيم الله النجاة والعصمة. هذا ستمر أن الدعي إلى الله يدوى كما سيبع هذا. أما قوم سأعرف في certains endroits الخطيب مثلا يفعل دي خطب que sur l'interdiction de mentir, l'interdiction de ne pas être juste, l'interdiction de l'injustice, l'interdiction du vol, il a akhiré. C'est tayyib hada. Lakin, il ne faut pas oublier le tawhid. L'anna un mushrik, s'il ne vole pas, il ne ment pas, il a un bon comportement, et il meurt à la shirk, il est finnar. Et il ne sortira jamais, ayyadun billah. Même s'il avait un bon comportement, même s'il n'a jamais volé les mains, l'anna un il n'a pas accompli حق الله l'ibad. Même s'il a donné حق l'ibad, حق الله il passe avant. Mais si tu trouves un musulman, il vole, il ment, il est injuste. Lakin c'est un mouhid. Walillahi l'ham. Il n'a pas le droit de faire des injustices. Lakin s'il meurt, Inch'Allah ghafara la, wa Inch'Allah adhabah. Même s'il se fait châter, daruhu, darul qarar pour lui, et il a demeure éternelle pour lui, ça sera al-jannah. Déduit de tout cela, l'importance du tawhid. قال ولا تكاد ترى احدا سليم المعتقد الا واعمال البر وسائر الطاعات اخف عليه من حمل الريشه. C'est une expression. اخف عليه من حمل الريشه. Ay, c'est quelque chose de très léger. Enfin, celui qui donne de l'importance à l'aqida, tu trouveras que اعمال البر pour lui ça sera très simple. لماذا؟ لان il a préparé son cœur. Pourquoi tu as deux personnes, un homme et un autre homme, il arrive à faire salat à l'heure et l'autre il n'arrive pas. Pourtant, celui qui ne fait pas salat à l'heure, il a moins d'occupation, il est plus fort physiquement, lakin il n'arrive pas. Peut-être qu'il va passer des heures au sport, tous les jours, et il est régulier, et une salat de 5 minutes, il n'arrive pas. C'est le cœur. Al-Muwahhid, il est qawi fi hadha al-bab. Lianna, il espère la récompense, il a peur d'Allah. Amma al-ghafil, il se fait beaucoup de mal. C'est pour ça que faire des efforts fi tawhid, ça t'ouvrira les portes dans beaucoup de choses. Inch'Allah, qala walidha kana al-ihtimam biha wal-amal ala tasfihiha min ajli al-umur, min ajli al-umur wa a'zam al-a'mal. C'est afdal al-ibadat. C'est la meilleure ibadah indallah, al-tawhid. وللتوحيد فضائل كثيرة لا تخفى على طالب العلم وعلى الداعي إلى الله سبحانه وتعالى فمن فضائله il va citer quelques bienfaits de هذا التوحيد العظيم أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل أن celui qui meurt على التوحيد فبإذن الله عز وجل il rentrera pas en enfer éternellement. Même s'il rentre, Allah il le châtie à cause de certains péchés, ça ne sera pas éternellement. C'est une ni'ma azima d'être sauvé min al-nar, ay min al-khuloud fiha. Amma al-mushrik si meurt, il est éternellement en enfer. Wa minha annahu idha kamula fi al-qalb yamna' dukhul an-nar bil-kulliyya. Anna celui qui a un tawhid qawi, il ne rentrera pas fi al-nar aslan. Limadha? Li anna celui qui a un tawhid qawi, il observera les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'écartera des interdits des kaba'ir. Même s'il glisse, il n'est pas ma'asoum, il peut avoir des faiblesses, il yatoub il Allah et il revient et il regrette. Wa minha aydan husul al-ihtida' al-kamil wal-amn al-kamil fi ad-dunya wal-akhirah in haqqaqa. Et tout le monde recherche hada fi al-haqiqa. Al-hidaya, être guidé, al-amn, al-aman, la paix, la sécurité. Tout le monde cherche hada. Même le kafara. Tu leur demandes qu'est-ce que vous voulez, ils veulent vivre en paix et la akhirah. La seule solution, c'est tahqiq hada al-tawhid. Il a cité fil hajia qawluhu azza wa jalla alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn ulaika lahumul amn ay saki haula qala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ay ceux qui ont cru al-iman wa lam yalbisu imanahum bidhulm al-dhulm huna ash-shirk. Ils ont cru et ils n'ont pas fait de mal à leur foi avec du shirk. Aïe mouahid. C'est quoi sa récompense? Qala azza wa jal. Oulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ils auront la sécurité fi dunya wal akhirah. fi dunya ils vivront en paix et fi l'akhira ils seront fi aman min adabillah, ils seront loin du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et كذلك الهدايه وهم مهتدون كذلك, ils seront guidés fi dunya wal akhira. Fi dunya ils seront guidés as-sirat al-mustaqim, ils accepteront le haq. Et fil akhira ils seront guidés ila al-jannah, ils traverseront sirat wa lillahi alhamd. Fa ya deux sirat, as-sirat al-mustaqim fi dunya et ya le sirat fi al-akhira. Fa al-mu'min al-muhid sera guidé pour les deux sirat wa lillahi alhamd. Qala wa minha أن أسعد الناس بالشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. كذلك chaque مؤمن il espère الشفاعة. الشفاعة c'est l'intercession. Et le مؤمن il demande الشفاعة من الله سبحانه وتعالى. Et Allah سبحانه وتعالى il autorisera certaines de ses créatures à faire الشفاعة. Et parmi ces créatures, بل أفضلهم le prophète محمد صلى الله عليه وسلم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré comment profiter de sa shafa'a yawm al-qiyam. Faqala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Abu Huraira radiyallahu anhu, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, man as'ad al-nas bi shafa'atik ya Rasulallah. Et c'est qui Rasulallah qui profitera de ta shafa'a yawm al-qiyam? Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Celui qui dit la ilaha illallah lakin bi ikhlas. Ay at-tawhid. Amma dire la ilaha illallah et la contredire avec du shirk, égorger pour un mort, égorger pour les tombes, aller voir des sorciers. Hadi shahada n'est d'aucune utilité. La shahada qui est utile, c'est la shahada qui est fondée sur at-tawhid. Qal wa minha ay min fada'il at-tawhid an al-a'mal wal aqwal adh-dhahira wal batina mutawaqqifa fi qabulha wa kamalha wa fi kathir ath-thawab 'alayha 'ala at-tawhid fa kullama qawiya kamulat hadhihi al-umur. Plus l'insan il est qawi fi at-tawhid, plus inshallah il aura des hasanat. Et son amal il sera accepté. عند الله سبحانه وتعالى. ومنها أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم. Ça c'est une faïda azima. Comme من الناس, c'est comme des esclaves par rapport à dunya. Il a peur, min ad-dunya. S'il n'a pas d'argent, ka'annahu, il va mourir de faim. S'il ne trouve pas du travail pendant une certaine période, ka'annahu, il désespère, annahu, peut-être qu'il... L'abdan. Qawi ut-tawhid, alhamdulillah, c'est Abdullah. Il sait que c'est Allah qui donne, il sait que c'est Allah qui prend, il sait que c'est Allah qui élève, il sait que c'est Allah qui rabaisse, il sait que c'est Allah qui guide. Et alhamdulillah, il tawakkala Allah. Vous avez remarqué que ba'd an-nas, ils ont peur de... d'un makhlouq comme lui, un bachar. Hatta al-ba'd, ils ont peur des morts, ayyadam billah. Il a peur qu'un mort, il lui fasse du mal. Fallait, ils égorgent pour sa tombe, ils le visitent. Allah, s'il lui donne pas son haqq, rubbama, ça leur fera du mal à eux, à leurs enfants, ayyadam billah. Amma al-muhid, il est libéré de toutes ses khurafats. Il tawakkal ala Allah. Et il place pas sa confiance aux gens. Il fait les asbab. Et il sait que celui qui donne, c'est Allah. C'est pour ça que le muhid, il se rabaisse jamais vers le makhlouq. Il tend la main, et il se fait du mal, et il se rabaisse. Il mutawakkil ala Allah, et il fait l'asbab, il fait les causes al-mashru'a. Qala, wa hadha huwa al-izz al-haqiqi wa al-sharaf al-ali. Sahih. C'est ça, al-izz. Al-izz, ça vient de l'izza. Et al-sharaf, tu veux préserver ton honneur, tu veux pas être humilié, tu veux avoir l'izza. Fa c'est ça, al-tariq, al-tawhid. Rabaisse-toi à l'Allah Azza wa Jal. Na'am. Et applique les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu seras mu'azzaz mukarram. Qala ila ghayri dhalik min al-fawa'id allati ashara ilayha al-shaykh ibn Sa'di fi hashiyatihi ala kitab al-tawhid. Il a un sharh nafis jiddan ala kitab al-tawhid, très résumé, lakin fihi fawa'id kathira. Il l'a appelé al-shaykh Sa'di rahimahullah al-qawl al-sadid fi maqasid al-tawhid. Et il a cité ses fawa'id. قال فالواجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يعتنوا بأمر التوحيد وأن يهتموا به وإن مما يؤلم القلب أن تنبت نابتة تقول لما هذا الاهتمام بالتوحيد ألا نهتم بأمور المسلمين وبشؤونهم فالمسلمون يقتلون يمينا وشمالا ونحن ندعو إلى هدم القباب وإزالة المساجد التي بنيت على القبور ونحو ذلك من المسائل. Ça c'est le fruit de الجهل. بعض الناس صحيح إلى يومنا هذا. Si tu lui conseilles de faire des efforts في التوحيد, d'apprendre sa عقيدة. فبعضهم يقول هكذا. Dans tel pays, les musulmans ils se font tuer, assassiner, chasser. وأنتم vous parlez des doros, du masjid, de التوحيد. Allah subhanahu wa ta'ala ينصر أو ينعم النصر إلى بيد الله عز وجل النصر إلى فندى سر التوحيد. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Et Allah il a besoin de personne. لكن نصر c'est نصر الدين. Secourir le din et te secourir à هذا الدين en appelant au التوحيد. أمة على التوحيد الله سبحانه وتعالى ينصرها. Tu trouves بعض المسلمين صحيح ils subissent des injustices لكن بعضهم ils ont encore une aqida في الأموات أنهم ils demandent à des morts pour être secourus sur leur ennemi. كيف هؤلاء ils vont réussir? Tu trouves بعض هؤلاء ils subissent des injustices وكثير منهم ils font pas الصلاة. فمن أين يأتي النصر avec cette haine? Allah subhanahu wa ta'ala yuhib ibadahu al-mu'minin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses ibad de faire certaines ta'at. Qala wa qailu hadha al-qawl nasiya aw tanasa qawla imam al-hunafa Ibrahim alayhi salam wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Imam al-muwahhidin, imam al-hunafa Ibrahim khalilullah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim alayhi salam, malgré qu'il a atteint un haut niveau fil iman ou fil ilm ou fil tawhid, qala wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Il a fait ce dua. An Allah subhanahu wa ta'ala, il le préserve, il l'écarte, lui et ses enfants, d'adorer les statues. Ma'a anna Ibrahim, kama ta'lamoun, il a combattu al-mushrikin et il a détruit ces statues. Lakin ma'a hada, il fait ce dua. Pourquoi? Qala Cheikh Abdus Salam wa amara. أو قال فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعل الله أمة الذي جعله الله أمة وحده وقال عنه عز وجل وإبراهيم الذي وفى وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبعه في حنيفيته وامتنحه الله عز وجل بذبح ابنه فامتثل الله سبحانه وتعالى امتحنه إلى إبخو إبراهيم عليه السلام. Anahu doit sacrifier son fils, égorger son fils. Ibrahim, il allait le faire. لماذا لأنه موحد c'était imam al-muwahhidin عليه السلام. قال ولب أمر الله عز وجل وكسر الأصنام بيده الشريفة واشتد نكيره على أهل الشرك. Même ses proches. Anahu il les a combattus. وصبر حتى ils l'ont jeté في النار كما تعلمون. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ونصره الله سبحانه وتعالى مع هذه الفضائل وغيرها يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام وهو أعظم الشرك فما بالك بمن دونه أو بما دونه. Malgré toutes ces فوائد qu'on a cité sur Ibrahim, أنه il a combattu les mouchriquins, أنه il a détruit les statues, أنه il a patienté, أنه il a fait le hijra في سبيل الله pour s'écarter de هؤلاء, malgré cela il a dit وَجْنُبْنِي وَبَنِيَا نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Ya Allah, préserve-moi, moi et mes enfants, d'adorer les statues. Ma'anahu, c'est un shirk wadih. لِمَاذَا لِأَنَّا on n'est pas à l'abri. Et كذلك لِأَنَّا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسلام, il connaissait la gravité du shirk. Alihada, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala protection. Ibrahim, il n'avait pas peur de la pauvreté ou d'un makhlouq. Ma'ad Allah. Il avait peur d'Allah et il sait que la chose qui met le plus en colère Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le shirk. Et il savait, alayhi salatu wa salam, celui qui meurt à la shirk, il a tout perdu. Et il a fait ce dua. Qala wa lidhalika yaqul Ibrahim al-Taymi rahimahullah min a'immati sunnah. Un grand imam parmi les imams de l'époque des salaf. Qala rahmatullah alayhi wa man ya'man al-shirk ba'da Ibrahim alayhi salam. Et qui c'est l'un qui va se sentir préservé de tomber fi shirk après avoir entendu Ibrahim, la parole de Allah subhanahu wa ta'ala qui nous rapporte la parole d'Ibrahim. Qala wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Si Ibrahim ne s'est pas senti à l'abri, fa que dire de nous? avec nos faiblesses, avec l'époque qu'on vit, ila akhir. قال ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله. هذا الحديث تقدم معنا في كتاب التوحيد إلى ضعيف. قال في الحاشية وضعفه الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب. الحديث هذا إلى ضعيف. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد على هذا الحديث فيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. Tout le monde a besoin de ce rappel. Et plus l'insan il est قوي في توحيده plus il aura peur de tomber في الشرك. C'est un exemple في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فيجب علينا أن نهتم بهذا الأمر وأن نوليه اهتماما كبيرا. Après ce bref résumé de ce fondement, الشيخ رحمة الله عليه fait cette نصيحة. يجب علينا أن نهتم بهذا الأمر. On n'en fera jamais assez في التوحيد. نوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 950 ans وهو يدعو قومه إلى التوحيد. نحن on a besoin. On a besoin d'appeler au tawhid. On a besoin d'apprendre. On a besoin de faire des efforts, de maîtriser les sujets. Fi tawhid, tout ce qui est lié à l'adoration des tombes, à la sorcellerie, au shirk akbar, shirk asrar. On doit maîtriser هذه المسائل et faire profiter les autres. قال فإذا سلم هذا الأمر فما بعده أخف وأسهل. Et celui qui a haqqaq tawhid, il a compris tawhid, il adore Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui viendra après, ça sera beaucoup plus simple. Limadha? Lianna su'abd, il aura un cœur solide. Iman qawi. Il aura les provisions, il aura les bagages, les outils nécessaires. Et incha'Allah, tout ce qui viendra ba'd, ça sera plus simple. Il est éprouvé, il a de quoi patienter, c'est un mouahid. Il a une ni'ma, alhamdulillah, al-shukr, al-hamd. Il est éprouvé par des ennemis, il est accusé à tort. Yasbir, il sait que celui qui élève, c'est Allah. Amma, si il est à la haqq, même si un tel est le critique, ça ne lui fait rien. Alhamdulillah, il est à la haqq. C'est Allah qui donne, ce n'est pas un tel. Il est expulsé de tel pays, alhamdulillah. Mouahid, il sait que c'est Allah qui donne. Le risque qu'il allait avoir dans ce bilad, Allah il l'a qadr dans un autre, et il aura son risque. Yatawakkal ala Allah. تأمل ما حصل لشيخ الإسلام إمام في التوحيد رحمة الله عليه إلهم أبخزوني إلهم أكسبلسي مهما فعلوا إلهم مرتاح حتى كان يقول بستاني في صدري أي إلهم مرتاح جدا. قال سيفو مبخزوني خلوة السجن في حقه استي خلوة أي سيفو مبخزوني كان يقول لهم ومنفرمي الحمد لله خلوة je serai seul et je pourrai me consacrer au ilm. Et comme min kutubih, rahmatullah alayh, il les a écrits fi sijn, en prison. Hakada al-muwahid. Il ne se plaint pas. Là, alhamdulillah, il a été éprouvé à la prison, il en profitera à la prison, alhamdulillah, il y a du khayr. Il a fait da'wah, il a écrit des livres. Ils l'ont expulsé, siyaha. Yata'ammal fi makhlouqatillah. Il se déplacera, alhamdulillah, da'wah est... Il se rappellera de beaucoup de choses en méditant sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakada al-muwahid. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre exemple et on doit étudier sa sirah. Yanna, c'est afdal al-bashar. C'est celui qui a compris le mieux al-tawhid et qui l'a le mieux appliqué alayhi salatu wassalam. Et toutes les épreuves qu'il a subies alayhi salatu wassalam, il a perdu son enfant, plusieurs enfants. Il a perdu sa femme Khadija. Au départ, quand il a reçu la révélation, il a été expulsé. Certains de ses compagnons, ils ont été tués injustement. Il a été frappé, alayhi salatu wassalam. Toutes ces épreuves, et sabirun, muhtasibun, alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce qu'il est mort. Lakin, le bagage, c'était quoi? At-tawhid. Là, ce qui va te faire avancer, c'est seulement l'argent, ou c'est des connaissances, ou... de te marier avec Fulana, elle vient de telle famille. La tadun hada. Ce qui fait avancer, c'est le tawhid. Ce qui fait reculer la personne, c'est les faiblesses du tawhid. Fana'tani bi hada, comme a dit le Cheikh, ta'alluman wa ta'liman wa da'watan. Et nous, la première étape, l'âne, c'est ta'li. Faire des efforts fi al-ilm, hatta yiftah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa yudhman salamatu ma ba'dahu min al-a'mal. Amma idha kana hadha al-asd fasidan, fala intifa' wala salah wala qabul. Kadhalik, tous ces a'mal que tu fais, walillahi alhamd, et que tu as fait, et que tu comptes faire, c'est ra'su malik, c'est ton capital. Ba'd an-nas, ils font beaucoup d'efforts pour avoir un capital. Hatta ba'dhum 'iyadan billah, ils prennent des assurances vie, ba'dhum, ils pensent qu'à ad-dunya. Et ba'dhum, s'ils meurent, ils pensent à leurs enfants, min hayth al-mal, ils veulent laisser ila akhirah. Al-muwahhid, son capital, c'est ses a'mal. Ah, l'argent, ça vient, ça part. Ça, c'est sahl, walillahi alhamd. Ton capital, c'était a'mal. Tu préserveras ce capital avec tawhid. Amma shirk, ça annule les œuvres. On doit faire des efforts, fi al-a'mal, on doit faire des efforts pour les préserver. Celui qui meurt à la tawhid, il trouvera chaque a'mal indallah. Wal'iyadu billah, al-mushrik, il annule tout avec le shirk l'akbar. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, faja'alnahu haba'an manthura. Hakada qala azza wa jalla. Tout leur a'mal, yom al-qiyama, le mushrik, rubama il a fait salat des années, rubama il a fait l'hajj, rubama il a fait siyam, rubama, lakin c'est un mushrik. Billahi azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala, yom al-qiyama, il lui efface tout, il trouve rien. Khassara azima. On doit préserver hada ra's al-mal, ce capital, et placer notre confiance en Allah, faire des efforts fi tawhid, étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la biographie des sahaba, la biographie des salaf. Et inshallah on sera à la khair. Nas'al Allah azza wa jalla at-tawfiq wa as-sadad. Naktafi bi hadha al-qadr. Subhanak wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.